Salut Chloé, tu rentres chez toi ? Non, je vais à mon asso. Je donne des cours d'alphabétisation à des migrants. J'y vais 2 soirs par semaine. Ah bon ? Une façon de te donner bonne conscience, quoi. Mais pas du tout, je t'assure. Je ne le fais pas pour moi. Ces gens sont très motivés et sympas. Tu devrais essayer. D'ailleurs, on manque de bénévoles. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas envie de jouer aux petits profs. Et tu ne sais même pas s'ils apprennent vraiment. Tu as tort, Baptiste, de voir les choses comme ça. Je les aide, ces gens. C'est important pour eux d'apprendre à lire et à écrire. Ça ne te dirait vraiment pas ? Définitivement non. Moi, je veux aider les gens sur le court terme. Moi, je me suis engagé au Resto du Cœur. J'y vais surtout l'hiver, 1 ou 2 fois par semaine. On prépare des paniers repas et on les distribue aux familles qui en ont besoin. Au moins, c'est du concret et je suis utile. Je vois. C'est bien aussi ce que tu fais. Bon alors, je reviens à ma question. Tu n'aurais pas une idée pour trouver des bénévoles ? Toi, tu as vraiment de la suite dans les idées. Tu devrais peut-être voir avec le groupe Action Solidaire de la fac. Ils recensent des étudiants prêts à aider des gens dans le besoin. Ils font des choses super. L'hiver dernier, ils avaient obtenu des tentes et des sacs de couchage pour des sans-abri. Va les voir. Ils sont au bureau 113. Je suis presque sûr qu'ils pourront te proposer des étudiants volontaires. Merci Baptiste. J'y passerai dans la semaine. Je file. Je ne voudrais pas être en retard. Tu as raison. Le prof doit toujours donner le bon exemple. Bon cours.